Activité 8 et 9. Je m'appelle Catherine et je suis venue vous parler de Jean. Nous nous sommes connus il y a longtemps, quand j'avais 14 ans. C'était mon prof de dessin au collège. Avec lui, j'ai découvert les couleurs, j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Il m'a donné confiance en moi. C'était un prof tolérant et très patient. Jamais autoritaire ni agressif. Et toujours capable d'intéresser les élèves. En fait, il était très compétent. Je suis restée en contact avec lui. Et progressivement, nous sommes devenus proches. J'aime sa personnalité généreuse. Il est toujours disponible pour les autres, chaleureux. Il est assez âgé maintenant, mais on se voit encore régulièrement. Il est toujours curieux de ma vie et moi, j'aime beaucoup voir ses tableaux et discuter avec lui. Il est passionnant et en plus très drôle. Je le vouvoie toujours, c'est vrai, mais c'est un véritable ami pour moi.